van. No lo. Qu'un pas pour les profanes, celui des rêves, le cœur en prône, ayant les fleurs de la bohème, le souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière, si censé que je m'assois pour retenir ce poème, si censé que je m'assois pour retenir ce poème, la panne est fou. Mm-hmm.